plus. Je leur ai tendu la main, mais c'est des sacrifices de pute. Et ça tire dans le buste, là où y'a le cœur qui bat. Dis-moi qui t'aime le plus. Moi j'écoute plus, quand y'a mes peurs qui parlent, ma plume elle saigne. En tant que des fleurs qui fanent, je veux leur faire ma plus belle scène. Braquer le temps qui passe, je suis mon pire adversaire. Je compte plus les frères qui partent. Je regarde vers le ciel, je crois que Braque me regarde. A chaque fois que le bonheur se pointe, je le recale. Prendre un rond dans le bocal, du métal dans le poitrail. C'est comme ça qu'on partira, dis-moi qui compatira. Sur une terre de regrets, c'est là qu'on bâtira. Sacrifié pour les miens, s'il faut le refaire, je le referai. Je fais flipper dans le reflet des yeux de mes refrains. C'est toujours le même refrain, moi le futur il m'effraie. Frère, ok. Les cicatrices, elles guérissent. Non, tu te trompes. Les blessures guérissent. Le seul truc qui compte vraiment, c'est quoi? Ce que tu es aujourd'hui. J'en ai fait des sacrifices. Confronté à la justice. Et j'en ai fait des sacrifices. À travers mes cicatrices. Et j'en ai fait des sacrifices. Confronté à la justice. Et j'en ai fait des sacrifices. À travers mes cicatrices. Moi je suis pas né dans la street, mais dans une chambre à l'hôpital. Nique les pseudo-activistes, j'ai trop de marques sur l'habitacle. Infatigable, je suis monté comme une pile sur terrain impraticable. J'ai se noyé dans le William Peel. Peur rien que ça pèle. Rien que ça pinaille. Sur des nacelles un peu bancales, j'pose des enseignes pour des patrons un peu chacal. Dehors rien que ça piaille, ça piaille. Tu peux leur dire que niquer des mères c'est devenu le sport national. J'ai plus confiance en personne, c'est triste. Dès lors que les soucis résonnent, me rappelle, j'peux lire dans ton iris. Et j'en ai fait des sacrifices pour telle ou telle personne. En témoigne les cicatrices, moi j'ai donné comme personne. Quand les routes se séparent, que les opinions divergent, c'est dans la chaleur d'un gros bar que mon cerveau gamberge. Demande à Bear, à l'abri de rien, dans le viseur de tout. L'œil dans le rétroviseur, j'esquive les marabouts. Tire, vers Fidenza, Gabi, tous ces petits bâtards. Et j'en ai fait des sacrifices, confronté à la justice. Et j'en ai fait des sacrifices, à travers mes cicatrices. Et j'en ai fait des sacrifices, confronté à la justice. Et j'en ai fait des sacrifices à travers mes cicatrices.